الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Aujourd'hui, nous allons voir les choses qui sont permises de faire dans la prière. Certains actes, qu'en les faisant, s'il y a un besoin, il n'y a pas de mal en cela. Bien sûr, on ne doit pas chercher à faire ces actes-là, chercher plutôt à se concentrer dans la prière, faire le moins de mouvements possible et le moins d'actes qui sortent de la prière possible. Mais il y a certains actes, quand il y a un besoin de les faire, il n'y a pas de mal en cela. La première des choses, le fait de porter un enfant. Selon Abi Qatada, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il priait, il portait Umama, la fille de Zainab, la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire sa petite fille. Et quand il se prosternait, il la posait. Et quand il se levait, il la portait. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Le fait de marcher peu pour un besoin, faire quelques pas. Aïcha radhiyallahu anha rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, priait dans la maison et la porte était fermée. Alors je suis venu. Et j'ai demandé qu'on ouvre la porte. Il m'a ouvert la porte, puis il est retourné à son lieu de prière. Et elle a montré que la porte était en direction de la Qibla. Le fait aussi de bouger pour sauver un enfant, ou bien pour repousser quelque chose qui peut nous faire du mal. Sur l'Azraq ibn Qais, il dit on était à l'Awhaz, on combattait les Haruriyya, c'est-à-dire Al-Khawarij. Alors que j'étais au proche d'un fleuve, une personne était en train de prier. C'était Abu Barza al-Aslami. Et l'anse de sa monture était dans ses mains. Et la monture commença à le tirer et il l'a suivi. Et il a dit, j'ai combattu avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je suis sorti avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette expédition, ou 6, ou 8. Et j'ai regardé comment il facilitait. Et le fait que je suive ma bête et que je la retourne et que je la garde, c'est mieux pour moi et c'est préférable à mes yeux que de la laisser et que je la perde. Alors ce sera difficile à supporter pour moi. Donc cette histoire de Abi Barza al-Aslami, elle montre qu'apparemment il n'a pas coupé sa prière. Et cela est aidé par une version de Amr ibn Marzouq. Il l'a prise et il a retourné en marchant en arrière. Donc si il avait coupé sa prière, il n'aurait pas eu besoin de marcher en arrière. Donc ça montre que pour sauver un bien ou un enfant qui risque de se faire du mal, on peut faire quelques pas pour l'attraper. Il n'y a pas de mal en cela, Inch'Allah. De même que de repousser la personne qui veut passer entre nous et notre sutra. De même que tuer un serpent ou un scorpion ou bien tout ce qui peut nous faire du mal. Et alors qu'on est en pleine salat. Dans le hadith rapporté par Abu Dawud, al-Nasa'i, al-Tirmidhi, ibn Majah, al-Lafd ibn Majah, sahih. Sur Abu Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de tuer les deux noirs dans la prière, le scorpion et le serpent. C'est permis si on a besoin de pincer quelqu'un qui s'endort. De toucher quelqu'un pour qu'il se pousse, qu'il nous laisse la place, par exemple, de se prosterner ou de prier. Donc Aïcha radiallahu anha a dit, je tendais mes pieds en direction de la Qibla du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui était en train de prier. Quand il se prosternait, il me pinçait, il me touchait et quand il se levait, je détendais mes pieds. De même qu'il est permis, si on a un besoin, si on se rappelle qu'il y a une impureté, par exemple, sur nos sandales ou nos chaussures, alors qu'on prie avec, de les retirer en pleine prière, comme cela a été rapporté dans le hadith sahih, dans le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il présidait la prière pour ses compagnons, a enlevé ses sandales. De même qu'il est permis, si on a un besoin, un glaire ou un crachat qui nous gêne, ou bien on a un fort besoin de se moucher qui ne peut pas attendre la fin de la prière, c'est permis de le faire dans un vêtement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, ou bien dans un mouchoir. Donc dans le hadith de Jabir, qui est rapporté par Muslim Abu Dawood, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand quelqu'un se lève pour prier, Allah est face à son visage, alors qu'il ne crache pas face à son visage, c'est-à-dire face à son visage à lui-même, ni à sa droite, mais qu'il crache à sa gauche, en dessous de son pied. Et s'il est vraiment pressé, qu'il crache dans son vêtement, puis qu'il frotte son vêtement l'un contre l'autre. » Donc ça, bien sûr, à l'époque, il crachait sous son pied parce que c'était de la terre. Et il l'enterrait après, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint de faire cela. De même qu'il est permis, s'il y a un besoin, ou sans faire attention, si on a par exemple remis un vêtement avec la main en place, ou bien on s'est gratté, il n'y a pas de mal en cela, bien sûr, comme on l'a dit, s'il y a un besoin. Toutes ces choses dont on parle, c'est s'il y a un besoin ou si on l'a fait par inattention, mais on doit éviter de faire, bien sûr dans la prière, on doit essayer de faire le minimum de gestes, ou presque pas de gestes qui sont en dehors de la prière. Car ça rompt la concentration et ça peut diminuer la valeur de la prière s'il n'y a pas un besoin de faire ce geste-là. Selon Jarir, il a dit que Ali, radiallahu anhu, quand il se levait pour la prière, il mettait sa main droite sur l'avant-bras gauche. Et il restait comme ça jusqu'à qu'il s'incline, sauf si il avait besoin d'arranger son vêtement ou de se gratter le corps. Et cela s'est rapporté par Ibn Abi Shayba et Al-Bukhari l'a rapporté Mu'allaqan bi sirat al-jazm. Donc, ça veut dire Inch'Allah qu'il est sahih. De même, Abdullah ibn Abbas a dit que la personne peut, dans sa prière, toucher à son corps, c'est-à-dire pour céder en allégeant quelque chose qu'il a dans son corps, de ce qu'il veut. C'est-à-dire que si une chose le gêne dans son corps et qu'il veut l'arranger avec des gestes simples, sans faire trop de gestes, il peut le faire. Et ça aussi, c'est rapporté par Al-Bukhari, Mu'allaqan, bi sirat al-jazm. De même qu'il est permis, et des fois c'est nécessaire, pour les hommes de dire Subhanallah, ou pour les femmes de taper des mains, si l'imam a fait une erreur ou il y a besoin de l'avertir sur quelque chose. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, si quelqu'un voit quelque chose dans la prière, qu'il fasse le tasbih. Car quand on fait le tasbih, on peut se concentrer vers cela ou voir ce qu'il y a. Et le fait de taper des mains, ce n'est que pour les femmes. De même, il peut être permis de tourner un peu la tête vers la droite ou vers la gauche s'il y a vraiment un besoin. Comme Jabir a rapporté dans le hadith rapporté par Muslim al-Nasa'i et Abu Daoud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était malade, on a prié derrière lui alors qu'il était assis. Et Abu Bakr faisait entendre le takbir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il répétait le takbir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a tourné un peu la tête vers nous, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a vus debout et il nous a fait un signe de la main de s'asseoir. De même que dans le hadith de Sahl ibn Sa'd, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu alors que les gens étaient dans la prière jusqu'à qu'il s'est mis dans le rang. Alors les gens ont commencé à taper des mains. Et Abu Bakr ne se tournait jamais dans la prière, mais quand les gens ont beaucoup tapé des mains, il s'est retourné et il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a aussi informés qu'il ne fallait pas taper des mains, mais que l'homme devait faire le tasbih. Il est permis aussi de faire un signe de la main ou de la tête s'il y a un besoin. Selon Jabir, il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé alors qu'il allait vers Bani al-Mustaliq. Je suis arrivé à lui alors qu'il était en prière sur sa monture. Je lui ai parlé et il m'a fait un signe de la main comme ceci. Puis je lui ai parlé et il m'a fait un autre signe de la main comme ceci. Et moi je l'entends réciter et faire des signes de sa tête, c'est-à-dire il fait des prières surrogatoires sur sa monture comme cela a été rapporté dans la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le voyage. Quand il a fini, il a dit, qu'as-tu fait pour la mission pour laquelle je t'ai envoyé? Car la seule chose qui m'a empêché de te répondre, c'est que j'étais en prière. Et ce hadith est rapporté par Muslim et Abu Daoud. C'est un hadith sahih. De même, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait deux rak'at après l'asr chez Umm Salama, elle lui a envoyé une servante au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire Umm Salama a envoyé une servante au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui demander sur ces deux rak'at. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de prier. Il lui a fait un signe sallallahu alayhi wa sallam. De même qu'il est permis de répondre au salam avec un signe alors qu'on est en prière, comme cela a été rapporté dans plusieurs hadiths sahihas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme le hadith d'Abi Daoud avec une chaîne de transmission véridique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti à la mosquée de Quba pour y prier. Les Ansar sont venus et lui ont passé le salam alors qu'il était en prière. Alors j'ai dit à Bilal, comment as-tu vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondre alors qu'il lui passait salam et il est en prière? Il a dit comme ceci. Alors, il a ouvert sa paume de main, il a dirigé l'intérieur de sa main vers le sol et le dos de sa main vers le haut. De même qu'il est permis, s'il y a un besoin bien sûr, de lever la tête alors qu'on est en prosternation pour voir si l'imam est toujours en prosternation. Si par exemple on a un doute, si on pense qu'il n'est plus en prosternation, qu'on ne sait plus si on le suit ou non. Et si on voit qu'il est en prosternation, on revient. Alors que si il n'est plus en prosternation, on le suit. Donc si l'imam a fait une prosternation longue, ou bien qu'on n'entend plus les takbirs, ou ce genre de situation, alors il est permis de lever la tête pour voir où on en est. Selon Abdullah ibn Shaddad, selon son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour présider une des deux prières de nuit. Et il portait Hassan ou Hussein. Alors il s'est approché, il s'est avancé, il l'a posé et il a dit Allahu Akbar pour la prière. Alors il a fait la et il est entré en prière. Il a fait une prosternation longue. Mon père a dit, alors j'ai levé la tête et j'ai vu que le petit était sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam et alors que lui est en prosternation. Quand j'ai vu cela, je suis retourné à ma prosternation. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini sa prière, les gens ont dit, tu t'es prosterné, une prosternation qui était vraiment longue. Jusqu'à qu'on ait cru qu'il était arrivé quelque chose. ou bien que la révélation est en train de descendre sur toi. Il a dit, tout cela n'a pas été, mais c'est mon fils qui m'a pris pour une monture, qui est montée sur moi. Alors, je ne voulais pas l'empresser à descendre jusqu'à ce qu'il finisse de jouer. Et ce hadith, il est rapporté par l'imam al-Nasa'i avec une chaîne de transmission acceptable. De même qu'il est permis de prendre le mushaf, le Coran dans la main, et de lire du Coran dans les prières surérogatoires s'il y a un besoin. S'il y a un besoin dans les prières surérogatoires. Et pourquoi avons-nous dit seulement dans les prières surérogatoires? Car il n'a jamais été rapporté cette permission-là hors des prières surérogatoires. Et comme vous allez l'entendre, cela a été rapporté dans les prières surérogatoires. Bien sûr, s'il y a un besoin. Si par exemple, on préside une prière ou on veut faire des qiyams longs, il n'y a personne qui connaît plus de Coran que nous qui peut le faire. Alors, il est permis de prendre le mushaf dans la main et de lire. Comme ça a été rapporté de Qasim, que Aïcha radiallahu anha lisait dans le mushaf, dans le Coran, alors qu'elle priait pendant le mois de Ramadan. Ça a été rapporté par Abd al-Razzaq et Ibn Abi Dawood fil Masahif. De même, al-Bukhari l'a rapporté mu'allaqan dans le chapitre de l'Adhan et le sous-chapitre l'imam d'un servant. Ibn Abi Shayba a lié la chaîne de transmission de ce athar que al-Qasim a dit que soit un servant de Aïcha présidait la prière pour elle alors qu'il lisait dans le Coran. Bien sûr, tout le Coran n'était pas dans un seul livre, mais c'était des pages qui étaient écrites sur des feuillets ou bien des omoplates de chameau ou bien d'autres choses dans ce genre. Mais faire cela dans les prières obligatoires, Allahu a'lam, la majorité des savants voient que ce n'est pas permis, bien que Cheikh Ibn Baz l'a permis s'il y a un besoin. Faire cela dans la prière surérogatoire, ce n'est permis que si vraiment il y a un besoin. Donc on a parlé de certains gestes qui sont permis dans la prière. Maintenant nous allons parler de certaines paroles ou certains sons qui sont permis dans la prière. Le fait de reprendre l'imam, de le corriger s'il a oublié ou s'il a fait une erreur, et que le fait de lui faire le tasbih, ce n'est pas suffisant. Comme par exemple si il a fait une erreur dans la lecture. Et selon Abdullah ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a présidé une prière et il ne savait plus où il en était dans la lecture. Quand il a fini, il a dit à Ubay ibn Ka'b, as-tu prié avec nous? Il a dit oui. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce qui t'a donc empêché de me reprendre ou bien de me rappeler? Et ce hadith, il est rapporté par Abu Dawood et Ibn Hibban avec une chaîne de transmission bonne. De même qu'on ne doit pas s'empresser de tout de suite reprendre l'imam quand il hésite dans la lecture. On doit le laisser se corriger tout seul d'abord. Car parler dans la prière, à la base, c'est interdit. Il faut vraiment qu'il y ait un besoin. Donc on le laisse d'abord se corriger tout seul. De même, on le corrige que quand on voit qu'il a vraiment besoin d'aide. Ce n'est pas nécessaire à tout le monde de corriger. Et la personne qui corrige, il doit le faire d'une manière claire. C'est pour ça qu'on laisse les places juste derrière l'imam à ceux qui ont la connaissance et la science et les gens doués de raison, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a demandé, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Et si la lecture ne change pas le sens, ou bien on a un doute dans la correction, alors on s'abstient. Car il faut savoir que des fois le Coran a été révélé, comme vous le savez, de plusieurs lectures. Donc peut-être qu'il le lit dans une autre lecture qui est acceptable. Ou bien si on a un doute dans les mots qui viennent ou dans les versets, dans ce cas-là, on s'abstient. De même qu'il est permis des fois de répéter certains versets dans les prières surérogatoires, comme cela a été rapporté, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu, sur Abu Dhar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu, in tu'adhibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, qui est le verset 118 de Surat al-Ma'ida, dans la nuit, et il l'a répété jusqu'au matin. Et ce hadith, il est rapporté par An-Nasa'i et Ahmed, et Al-Hakim, bien qu'il y a dans cette chaîne de transmission quelques paroles parmi les savants du hadith. Selon Masruq, Tamim al-Dari, il répétait ce verset, comme c'est rapporté dans le Musannif de Ibn Abi Shayba. Am hasiba alladhina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilu as-salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum. De même que Saïd ibn Ubaid a dit, j'ai vu Saïd ibn Jubayr, alors qu'il présidait la prière pour les gens pendant le mois de Ramadan, qui répétait ce verset. Idhil aghlalu fi a'naqihim. Et ya ayyuha al-insanu, مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ أَلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ. Donc ces versets-là, quand il passait dessus, il les répétait des fois deux à trois fois, comme ça a été rapporté dans le Moussannaf de Abd al-Razzaq. Et cela n'a pas été rapporté dans la prière obligatoire. Voilà quelques textes qui sont rapportés dans les prières surrogatoires. Mais prendre l'habitude de le faire exprès, de répéter trop, d'exagérer, cela, ce n'est pas la voie des pieux prédécesseurs, ni du prophète sallallahu alayhi wa sallam auparavant, ni de ses compagnons et de ceux qui les ont suivis. De même qu'il est permis, si quelqu'un est envahi, ou bien les pleurs prennent le dessus, qu'il pleure dans la prière ou qu'il respire à voix haute, comme cela a été rapporté, car Allah tabaraka wa ta'ala a loué les gens qui pleurent. Comme Allah Ta'ala dit, إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَانِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. Et quand il a dit, وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Et ça, ces deux versets, ils parlent du prieur ou de gens qui ne sont pas dans la prière, c'est pour tout le monde. Sur Abdullah ibn Shikhir, il a dit, je suis venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est en prière, et sa poitrine sortit des bruits comme une marmite en ébullition. Ce hadith il est rapporté par An-Nasa'i et Abu Daoud et Ahmed avec une chaîne de transmission véridique. De même que selon Ali, il a rapporté que le jour de Badr, tout le monde dormait et on a vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sous un arbre en train de prier et de pleurer jusqu'au matin. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed et Ibn Khuzaymah avec une chaîne de transmission véridique. De même que selon Abdullah ibn Omar, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est devenu très lourd à cause de sa douleur et de sa maladie, il a dit « Ordonnez à Abu Bakr qui préside la prière aux gens. » Aïcha a dit « Abu Bakr est un homme sensible. Quand il lit le Coran, les pleurs l'envahissent. » Il a dit « Ordonnez-le qu'il préside. » Elle a continué. Il a dit « Ordonnez-le qu'il préside. Ô vous, les compagnes de Youssouf. » Selon Abdullah ibn Shaddad, il a dit « J'ai entendu le cri et les pleurs de Omar alors que j'étais au dernier rang dans la prière. » Et il disait « Innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamoun » Surat Yusuf. Et ce hadith il est rapporté par le Bukhari ta'liqan et Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah l'a rapporté dans le Fatawa. Et il a dit, c'est un récit connu comme étant véridique de Omar radiallahu anhu. Donc, le pleur ou le fait de dire « Ah, quand ça nous envahit, dépasse », c'est permis. Mais il faut toujours essayer de faire attention, de ne pas se faire avoir par Satan, par le Satan qui veut que l'on fasse de l'ostentation devant les gens. On doit essayer de se contenir, comme étaient les pieux prédécesseurs, sauf si ça nous envahit, ça nous dépasse dans ce cas-là. Allah tabaraka wa ta'ala ne charge aucune âme au-dessus de ce qu'elle est capable de supporter. De même qu'il est permis s'il y a un besoin de souffler pendant la prière. Comme ça a été rapporté dans le hadith d'Abdullah ibn Omar, le soleil s'est éclipsé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a soufflé dans sa dernière prosternation. Il a dit « Ouf ». Puis il a dit « Oh mon Seigneur, ne m'as-tu pas juré que tu ne les châtirais pas alors que je suis parmi eux tant qu'ils te demandent pardon ?» Ce hadith est rapporté par Abu Daoud et Nasa'i et Ahmed et les hommes de la chaîne de transmission sont de confiance. Alors que l'imam al-Bukhari l'a rapporté des Sirati al-Tamrid et il a parlé que ça fait partie des versions de Atta ibn Sa'ib et que c'était quelqu'un qui mélangeait. Mais si Hamad ibn Salam a entendu de lui avant qu'il ne se trompe et qu'il mélange, comme l'a dit Ibn Ma'in et Abi Dawood, donc cette version bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala est acceptable. De même, comme on l'a dit tout à l'heure, il est permis de parler peu de paroles quand vraiment il y a un besoin pour corriger la prière. Comme l'histoire de Dhul Yadayn, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait que deux rak'at, après Dhul Yadayn a parlé puis il est revenu en prière. En fait, tout ce temps-là, à partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cru qu'il avait fini la prière, jusqu'au moment où ils ont fini, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est appuyé au poteau, Dhul Yadayn est venu lui parler, tout ce temps-là, ils étaient encore en prière. Et les paroles qu'il y a eu entre eux, c'était pour corriger la prière. Donc, leur prière a été valide, elle n'a pas été annulée. Donc le professeur Hassam a fini la prière et s'est prosterné deux prosternations après le salam pour justement le surplus de gestes et de paroles qui s'est passé tout ce temps-là. Il est permis aussi pour celui qui éternue de dire Alhamdulillah. Par contre, il n'est pas permis, il ne doit pas le dire à voix haute pour déranger les autres et il n'est pas permis pour les autres de lui répondre Rahimakallah dans la prière. La preuve de cela, c'est le hadith rapporté par l'imam Tirmidhi et Nasa'i et le Bukhari Mais dans la version du Bukhari, il ne parle pas de l'éternuement. Mais dans la version de Tirmidhi et Nasa'i, ils en parlent. Le hadith de Rifa'a ibn Malik. Il a dit, j'ai prié derrière le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai éternué. Alors j'ai dit, Alhamdulillahi, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini sa prière, il a dit, qui a parlé pendant la prière? Rifa'a a dit, moi, ô messager d'Allah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui tient mon âme dans sa main, il y a plus de 30 et quelques anges qui sont venus se disputer à savoir qui va prendre cette parole pour l'élever auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cette parole est appuyée par le hadith de Muawiyah ibn al-Hakam. Il a dit, alors que je priais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une personne a éternué et il a dit, alhamdulillah, moi j'ai dit, yarhamukallah. Et ce hadith est rapporté par Muslim et Abu Daoud. Et à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne fallait pas parler dans la prière. Il a interdit donc de répondre à celui qui dit Alhamdulillah, mais il n'a pas interdit à celui qui a dit Alhamdulillah de le dire. Donc si c'était interdit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait repris. De même qu'il est permis de dire Alhamdulillah pour quelque chose qui nous plaît alors qu'on est en prière. Dans le hadith de Sahl ibn Sa'd, dans l'histoire où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti voir les Bani Amr ibn Auf, pour arranger entre eux. Abu Bakr a présidé. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, alors qu'ils étaient en prière, Abu Bakr a voulu retourner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait signe de rester à sa place. Alors Abu Bakr a levé les mains et dit, il a loué Allah tabaraka wa ta'ala à cause de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné. C'est-à-dire de ce bienfait qu'il préside la prière. Et ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. De même que s'il y a un besoin, comme on le répète toujours, et on va finir avec ça pour les choses qui sont permises à faire dans la prière et dire, on ne dit pas, on n'encourage pas les gens à faire toutes ces choses-là. On a bien précisé que la prière, normalement, doit être concentrée, éviter de faire des gestes qui n'ont rien à voir avec la prière. Si quelqu'un réunit dans sa prière toutes les permissions qu'on vient de donner, sans besoin, effectivement, sa prière, elle ne ressemble plus à rien. Donc, c'est toutes ces choses qu'on vient d'énoncer, c'est seulement s'il y a un besoin. Donc, il est permis de parler à celui qui prie et de lui demander s'il y a un besoin. Comme l'histoire de Jabir, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé et qu'il venait parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondait avec des signes. De même que le hadith de Asma, quand elle a dit « Je suis venu voir Aïcha radiallahu anha » quand le soleil s'est éclipsé alors que les gens étaient debout en train de prier. Elle est aussi debout en train de prier. J'ai dit « Qu'est-ce que les gens ont ?» Aïcha radiallahu anha, en pleine prière, elle a répondu mais avec sa main. Elle a montré le ciel pour montrer que les gens prient à cause de l'éclipse. Maintenant, nous allons parler de choses qui sont interdites ou détestables à faire pendant la prière. Le fait de mettre ses mains autour des hanches, ce n'est pas permis, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de le faire dans la prière, c'est rapporté par le Bukhari et Muslim. De même, lever les yeux au ciel, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Muslim et Nasa'i que les gens arrêtent de lever les yeux au ciel quand ils font les invocations dans la prière, ou sinon leur vue va être enlevé. De même qu'on ne doit pas regarder quelque chose qui peut nous détourner de la concentration dans la prière ou nous occuper pendant la prière. Selon Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié dans un vêtement sur lequel il y avait des dessins. Bien sûr, des dessins autres que des dessins d'êtres vivants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ces dessins m'ont préoccupé pendant la prière. Il a dit, prenez ce vêtement, emmenez-le à Abi Jahm et ramenez-moi plutôt un vêtement en laine sur lequel il n'y a aucun dessin. Donc, c'est détestable de prier avec un vêtement sur lequel il y a des dessins, même sur un tapis sur lequel il y a des dessins. Le mieux, et ce qui est recommandé, c'est d'avoir des vêtements unis. Surtout quand on vient à la mosquée, de mettre des vêtements unis qui ne dérangeraient pas les prieurs pendant la prière, qui pourraient regarder notre dos ou nos vêtements, et même les tapis de la prière, prier sur un tapis uni plutôt qu'un tapis sur lequel il y a des dessins. Le fait de se tourner sans besoin dans la prière aussi, c'est une chose à ne pas faire, qui diminue la valeur de la prière, qui enlève la concentration. Tout à l'heure, on a parlé de la permission s'il y a un besoin, mais là, on parle du fait de le faire sans besoin, selon Aïcha radiallahu anha. Elle a dit, j'ai demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur le fait de se tourner dans la prière. Il a dit, c'est une partie de notre prière que Shaytan vole aux serviteurs. Et ce hadith est rapporté par le Bukhari et Abu Dawud et An-Nasa'i. De même que c'est détestable de croiser les doigts des mains entre elles, mettre les doigts des deux mains les unes dans les autres, dans la prière et en allant à la prière. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand l'un de vous fait des ablutions dans sa maison. Puis il vient à la mosquée. Il sera considéré en prière jusqu'à ce qu'il revienne, alors qu'il ne fasse pas comme ceci et il a croisé entre les doigts des mains. Selon Ismaïl ibn Umayya, il a dit, j'ai demandé Nafi' sur la personne qui prie en croisant ses doigts. Il a dit, Abdullah ibn Omar a dit, c'est la prière de ceux qui ont couru la colère d'Allah, c'est-à-dire des juifs. Le deuxième hadith est rapporté par Abu Daoud et c'est un hadith sahih, comme l'a authentifié notre cheikh al-Albani dans Irwa al-Ghalil. Et le premier hadith que nous avons cité, il est rapporté par al-Hakim et il a une version qui vient la renforcer dans le musnad de l'imam Ahmed et il est dans sahih al-Jami'. De même qu'il est détestable de faire claquer ses doigts dans la prière. Sur le Shu'ba, le servant de Ibn Abbas, il a dit, j'ai prié auprès de Abdullah ibn Abbas et j'ai fait claquer mes doigts. Quand j'ai fini la prière, il a dit, que ta mère te perde. Est-ce que tu fais claquer tes doigts alors que tu es en pleine prière? Et cette histoire de ces paroles d'Ibn Abbas sont rapportées dans le Moussanaf d'Ibn Abi Shaybah. Et notre cheikh l'Albani, rahimahullah, a dit que c'est une histoire véridique ou bien d'une bonne chaîne de transmission plutôt. Hassanahu al-Albani fi Irwa al-Ghalil. Le fait aussi de s'entourer d'un vêtement au point de mettre ses mains à l'intérieur du vêtement et d'être enfermé en cela. C'est une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de ne pas faire. Comme il est dit dans le hadith d'Abi Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit naha ani sadli fi salah. Wa sadlu. C'est ça, c'est le fait de s'entourer avec un vêtement et de mettre les mains à l'intérieur et de faire le ruku et le sujoud de cette manière-là. De même qu'il est détestable de bâiller dans la prière. Et qu'on ne doit pas, vaincu ou bien ça nous vient, on doit combattre et tout faire pour s'empêcher de bâiller. Et si vraiment on ne peut pas, au minimum il faut mettre sa main. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit le fait, le bâillement dans la prière vient de Shaytan. Si l'un de vous bâille dans la prière, qu'il le repousse tant qu'il peut. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim et Tirmidhi. Mais il n'y a rien à faire après, comme A'udhu billahi min Shaytan al-Rajim, ou bien l'istighfar après le bâillement, il n'y a rien qui est rapporté en cela, que ce soit dans la prière ou en dehors de la prière. De même, comme on a dit tout à l'heure, que s'il y avait besoin, on avait le droit de cracher sur la gauche, donc on ne doit pas cracher en face de la Qibla, car quand on fait la prière, comme il est dit dans le hadith, Allah tabarak wa ta'ala est face à nous, subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. De la manière qu'Allah seul connaît, subhanahu wa ta'ala. Donc on ne doit pas cracher en face de nous ou à notre droite. De même qu'il est détestable de fermer les yeux dans la prière. On peut les fermer juste un petit instant pour cligner ou si on a besoin ou si on a mal. Mais sinon, il faut garder les yeux ouverts et regarder l'endroit de la prosternation comme on l'avait cité dans les sunnahs. Car comme l'imam Ibn Qayyim a dit, ça ne faisait pas partie de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam de fermer les yeux dans la prière, comme ça a été rapporté dans plusieurs hadiths où il a vu des choses devant lui, où il a pu se rapprocher du mur quand une bête a voulu passer, etc. etc. De même, pendant le recours, coller les deux mains, les paumes des deux mains, et de le mettre entre les cuisses, c'est une chose que l'on ne doit pas faire dans la prière. Au début, c'était autorisé, puis cela a été nuhiya anhu, c'est-à-dire on nous a demandé de ne pas le faire. Selon Mus'ab ibn Sa'd, il a dit, j'ai prié auprès de Ubay. J'ai mis mes mains entre mes genoux. Ubay m'a dit, mets tes mains sur tes genoux. J'ai refait cela une autre fois. Il a tapé mes mains et il a dit, on nous a interdit de faire cela. Et on nous a demandé de mettre les mains, les paumes sur les genoux. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. De même qu'il ne faut pas lire le Coran dans l'inclinaison et dans la prosternation, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Muslim, n'est-ce pas que l'on m'a interdit de lire le Coran dans l'inclinaison et dans la prosternation? Sauf si c'est une invocation du Coran, par exemple on veut dire une invocation dans le sujoud de Rabbana atina fid dunya hasana, une invocation qui se trouve dans le Coran, mais nous on l'a dit dans l'intention de l'invocation, c'est-à-dire on ne récite pas du Coran. Ce qui est interdit, c'est la récitation. Mais si on invoque Allah, par exemple dans la prosternation, on lui demande des choses. Et parmi les invocations qu'on dit, il y a des invocations qui sont dans le Coran. Il n'y a pas de mal, bi'idhnillah tabarak wa ta'ala. De même qu'il ne faut pas coller ses coudes au sol alors qu'on est en prosternation, comme le chien. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith de Bukhari et Muslim. Soyez droit dans votre prosternation. Et que quelqu'un n'allonge pas ses avant-bras comme le chien le fait. Donc il faut lever les coudes. De même que c'est détestable de plier ou de retenir ses vêtements qu'il touche le sol au moment de la prosternation, et de même que de plier ses manches ou ses vêtements dans la prière. Car Abdullah ibn Abbas a dit, on a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il se prosterne sur sept membres et qu'il laisse les cheveux et les vêtements, qu'il les détache, c'est-à-dire qu'il ne les attache pas ou qu'il ne les plie pas. Et ce hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Parmi les choses qu'il ne faut pas faire aussi dans la prière, c'est Al-Iqa'a, c'est s'asseoir de cette position qui s'appelle Al-Iqa'a. C'est le fait de coller les fesses au sol et de lever les genoux vers le haut et de mettre les deux mains par terre. Il y a donc dans le hadith de Aïcha, dans la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith qui est rapporté par Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait de s'asseoir sur l'arrière des pieds comme Shaytan. De même dans le hadith de Abi Huraira, rapporté par l'imam Ahmed, où sa chaîne de transmission a été jugée faible par certains savants, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de prier comme le coq et de faire l'iqa'a, de s'asseoir de cette manière-là, comme iqa'a al-kalb. Mais on avait parlé auparavant que la sunna, des fois, entre les deux sujouds, de s'asseoir, c'est-à-dire de s'asseoir sur les deux talons et de repartir en sujoud, dans la jalsa entre les deux sujouds, ça c'est sunna. Ça ne rentre pas dans ce qui est la position dans laquelle il ne faut pas s'asseoir. De même, de mettre la main par terre, la main gauche par terre derrière, comme il a été rapporté de Abdullah ibn Omar que c'est la position de ceux qui se font châtier. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à l'homme dans la prière de s'appuyer sur sa main gauche, comme ça a été rapporté dans le hadith d'Abu Dawud et Ahmed al-Hakim al-Bayhaqi. De même que la personne malade, s'il peut se prosterner sur terre, il faut obligatoirement qu'il le fasse. Sinon, il fait signe avec sa tête, mais on ne met pas quelque chose de surélevé, un coussin, etc., qui se prosterne dessus. Car le hadith de Abdullah ibn Omar a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a visité un homme parmi ses compagnons qui était malade. Et j'étais avec lui. Et il l'a vu qu'il priait sur quelque chose en bois et qu'il se prosternait dessus. Alors il lui a fait signe de jeter cela et il a pris donc un coussin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, laisse tout ça. Si tu peux, prosterne-toi sur terre. Sinon, fais signe de ta tête et fais que ta prosternation soit plus prononcée que ton inclinaison. Et ce hadith, il est rapporté par Tabarani dans le Kabir. Et il y a un autre hadith qui est dans le Bazar qui vient le renforcer. Le hadith de Jabir et par le Bayhaqi. Et l'imam al-Albani, rahimahullah, a jugé ce hadith véridique dans Silsila Sahiha. De même, qu'il ne faut pas s'occuper dans la prière de pousser les pierres, de s'occuper d'autre chose que dans la prière, sauf s'il y a vraiment un fort besoin. On a le droit une seule fois de pousser les mains, avec la main, les pierres qui pourraient nous gêner dans la prosternation. Mais de laisser ces pierres se prosterner dessus, c'est mieux. Car ça nuit moins à la concentration dans la prière. Car le hadith de Mu'ayqib, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit de la personne qui aplanit la terre où il se prosterne, il lui a dit, si tu dois vraiment le faire, fais-le une seule fois. C'est rapporté par le Bukhari et Muslim. Dans une autre version, qui est rapportée par Abu Daoud, et l'imam Nawawi a dit que sa chaîne de transmission est selon la condition de le Bukhari et Muslim. Il a dit, n'essuie pas la terre alors que tu es en prière, mais s'il faut vraiment que tu le fasses, alors une seule fois pour aplanir les pierres. De même que si ça s'accroche à notre front, c'est détestable de le nettoyer, sauf si vraiment ça nous nuit, sinon il faut le laisser. Selon Abi Saïd, il a dit que il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosterner sur de l'eau et de la boue jusqu'à qu'il a vu les effets et les traces de boue sur son front. Ce hadith il est rapporté par le Bukhari et le Muslim. D'ailleurs, Abdullah ibn Mas'ud a dit que quatre choses font partie d'une chose, c'est-à-dire à ne pas faire dans la prière. Et il a énoncé que l'homme essuie la poussière qui est sur son front alors qu'il est en prière. Et cette parole d'Ibn Mas'ud est rapportée par le Bayhaqi. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a jugé que c'est un hadith ou c'est une parole, un athar véridique dans Irwa al-Ghalid. De même que la chose à ne pas faire dans la prière, on a dit que la sunna c'était de mettre les mains d'abord au sol avant le genou, donc le contraire n'est pas à faire. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih, celui qui va au sol, qui ne l'est pas au sol comme le fait la monture, qu'il mette d'abord ses mains avant ses genoux. De même, il ne faut pas avec ses mains, quand on fait le taslim, la salutation finale, faire des gestes avec ses mains sur les côtés pendant cette salutation-là. Car Jabir ibn Samura a dit, quand on priait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Et il montrait avec ses mains qu'il tendait les mains sur les côtés. Ou qu'ils inclinaient les mains sur les côtés. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, pourquoi faites-vous cela avec vos mains? Comme les queues des montures, des chevaux, qui n'arrêtent pas de bouger. Il vous suffit à l'un de vous de mettre ses mains sur ses cuisses et qu'il passe le salut à son frère et à celui qui est à sa gauche. Ça nous montre aussi que donc les salutations que l'on fait en finissant de la prière, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans ce hadith rapporté par Muslim al-Nasa'i et Abu Daoud, c'est une salutation que l'on fait à nos frères, à notre droite et à notre gauche. De même que c'est interdit et que ça peut annuler la prière de devancer l'imam dans un des piliers de la prière. Celui qui le fait en toute connaissance et en toute conscience, sa prière sera annulée. Alors que celui qui le fait par ignorance ou par oubli, celui qui le fait par oubli, il devra revenir au pilier sur lequel il a devancé, puis suivre l'imam. Et celui qui le fait par ignorance, Inch'Allah, on lui enseigne et on espère que sa prière ne sera pas annulée. De même que c'est détestable de prier alors que la nourriture a été posée, si on a un besoin pour cette nourriture et quand on a faim, ou bien quand on a envie d'uriner ou d'aller à la selle. Aïcha radiallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Muslim et Abu Daoud, il n'y a pas de prière quand la nourriture est posée et non plus quand il repousse ses envies ou son besoin d'aller à la selle ou d'uriner. Maintenant, nous allons citer ce qui annule la prière parmi ces choses ou d'autres choses plutôt. La première des choses, quand on a la certitude d'avoir perdu les ablutions. Et dans cela, le doute ne joue pas. Si on a le doute, on ne doit pas sortir. Comme Shaitan qui nous fait croire qu'on a perdu les ablutions. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quelqu'un, s'il a un doute dans la prière ou il a l'impression d'avoir eu un gaz, qu'il ne sorte pas tant qu'il n'entend pas un bruit ou qu'il ne sente pas une odeur. C'est-à-dire tant qu'il n'est pas sûr. C'est pas le bruit ou l'odeur qui compte, mais la certitude. Si on laisse aussi une condition parmi les conditions de validité de la prière sans raison valable ou consciemment, ou bien un pilier de la prière, ou bien une obligation de la prière consciemment. Si quelqu'un délaisse une de ces choses-là consciemment et sans être ignorant, sa prière est invalide. Par contre, le pilier, même s'il le délaisse avec ignorance et on le sait, on devra lui dire de recommencer la prière. Ce n'est pas comme les obligations et les conditions sur lesquelles l'ignorance peut pardonner ce manquement-là. Ou certaines conditions, pas toutes les conditions, comme les ablutions par exemple, la personne ne devra, sans ablution, sa prière n'est pas valide. Si quelqu'un a prié sans ablution, on devra lui dire de refaire la prière avec les ablutions. Mais si par exemple, comme pour la Qibla, il ne connaissait pas l'endroit de la Qibla ou etc. ou d'autres choses de ce genre-là, alors il n'y a pas de mal, Inch'Allah, tabaraka ta'ala. Le fait de manger et de boire consciemment dans la prière. Ibn al-Mundhir a dit qu'il y a un consensus entre les savants que celui qui fait ça dans la prière, sa prière est annulée, il devra la refaire. Il y a un consensus entre les savants pour la prière obligatoire et c'est l'avis de la majorité des savants pour la prière surrogatoire car il faut savoir que ce qui annule la prière obligatoire, c'est ce qui annule aussi la prière surrogatoire. Ce qui est interdit aussi, c'est de faire beaucoup de gestes dans la prière. C'est-à-dire que si quelqu'un nous voit de l'extérieur, il se dit cette personne, elle n'est pas en prière. De même que se tourner complètement de la Qibla et dans un autre sens, tout en sachant la direction de la Qibla. De même que de parler en toute conscience, sans besoin. Car Zayd ibn Arqam a dit, nous parlions dans la prière. Et l'un de nous parlait à son ami, qui est à son côté, jusqu'à qu'Allah Ta'ala a révélé, Waqumu lillahi qanitin. Alors, on a été ordonné de se taire et on nous a interdit de parler. Ce hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. De même, comme on a dit tout à l'heure, le fait de devancer l'imam, surtout dans le premier takbir et dans les salutations finales, si c'est fait par connaissance de cause et exprès, par connaissance, c'est-à-dire en sachant que ça annule la prière et c'est fait exprès, cette personne, sa prière sera annulée dans Takbirat al-Ihram et dans Taslim chez la majorité des savants, si ce n'est le consensus entre les quatre écoles de pensée. Mais en ce qui concerne le devancer dans les autres actes qui sont des piliers dans la prière, comme la prosternation, comme l'inclinaison, comme se relever, la parole la plus juste, Wallahu A'lam, c'est que si on le devance aussi dans un de ces actes-là, ça annule la prière, toujours avec les conditions précitées, les deux conditions. En sachant que cette chose annule la prière, et deuxièmement, en le faisant exprès. Mais celui qui parle, ou qui fait un de ses actes par oubli, ou par ignorance, sa salat n'est pas annulée, car comme cela a été rapporté dans le hadith, par exemple s'il parle par ignorance de Muawiyah ibn al-Hakam, dans l'histoire de sa prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la personne qui avait éternué, et lui il lui a répondu, Yarhamukallah, alors les gens l'ont regardé, et à la fin le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit de le faire, et il ne lui a pas demandé de recommencer sa prière, car il était ignorant. De même que le rire annule la prière. Le sourire ne l'annule pas, mais le rire avec lequel on entend le son, donc ça annule la prière, car c'est encore pire que le fait de parler. Ça montre qu'on n'a pas de valeur pour la prière. Et ça a été rapporté des sahaba, plusieurs versions, selon Jabir par exemple, et selon Abi Moussa, qui sont dans le Moussannaf de Ibn Abi Shayba, qui montrent que celui qui rit dans la prière, sa prière est annulée. Mais le sourire seul, ça n'annule pas la prière. Mais si c'est fait sans excuse valable, c'est détestable quand même. Car Jabir a dit, comme ça a été rapporté d'Ibn Abi Shayba et Abd al-Razzaq, avec une chaîne de transmission bonne et acceptable, le fait de sourire ne coupe pas la prière, ne l'annule pas, mais c'est le fait de rire qui l'annule. Voilà ce qu'on peut dire sur les actes annulant la prière. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.